Le comte regarda en fait la fenêtre où va apparaître celle dont il est tombé amoureux, Rosine, retenue prisonnier chez et par son tuteur. Et, grâce à l'insolente intelligence de Figaro, le comte Almaviva pourra épouser Rosine.